como n'aimas la vie. N'aimas la vie. La coma n'accord. Coma d'accord. C'est plus facile que de s'aimer. C'est plus facile que de s'aimer. Et presque aussi fort. Et presque aussi fort. Vive l'harmonie, ironique.